Vous êtes maintenant devant l'église Saint-Savinien, l'une des plus anciennes églises de Melle. Construite entre le XIe et le XIIe siècle après Jésus-Christ, elle témoigne de l'importance religieuse de la ville au Moyen Âge. L'art roman se reconnaît à ses murs épais, ses ouvertures étroites et ses formes arrondies, conçues pour assurer solidité et stabilité. À cette époque, l'église était bien plus qu'un lieu de prière. C'était un centre de rassemblement, d'organisation sociale et de transmission des valeurs chrétiennes. Prenez le temps d'observer la façade et d'imaginer les générations de Mellois qui, comme moi, sont passées par ici au fil des siècles. Votre visite continue vers un site qui a fait la richesse de la ville, les mines d'argent.